1. La question de l'origine et de la formation des épopées nationales, telle qu'elle est posée maintenant, est nouvelle. Il faut entendre par épopée nationale celle qui, tout en ayant reçu du génie d'un seul homme leur forme dernière, ont cependant été conçues et élaborées par les facultés poétiques de tout un peuple. Tels sont l'Iliade et le Nibelungenlied. Les pages qui suivent s'appliquent uniquement à ces productions des temps héroïques et non aux poèmes des temps littéraires comme l'Énéide. Les poètes qui composent ceux-ci s'inspirent ordinairement, il est vrai, des traditions légendaires ou historiques, ainsi que l'ont fait Virgile et le Tasse, par exemple. Mais ce sont eux qui créent les caractères et qui disposent l'action au gré de leur imagination. L'épopée nationale est une œuvre collective et démocratique. C'est le monument du génie de tout un peuple qui parle même au cœur des classes les plus humbles. Le poème littéraire est principalement une œuvre individuelle et aristocratique. Elle ne révèle que le génie d'un poète et ne s'adresse qu'aux esprits cultivés. Cette distinction est indispensable pour qu'on n'étende point nos affirmations à des cas où elles cesseraient d'être vraies. Le XVIIIe siècle n'y avait point songé. De même qu'on se figurait volontiers que les religions étaient inventées par les prêtres pour exploiter la crédulité des peuples, que les sociétés avaient pour origine un contrat et que les langues étaient le résultat de combinaisons réfléchies, ainsi on pensait alors que tout poème épique était nécessairement l'œuvre tout individuelle d'un poète plus ou moins inspiré, qui avait su revêtir des couleurs brillantes de son imagination, soit un fait emprunté à l'histoire, soit une fable choisie dans le domaine de la fiction. On discutait longuement des points secondaires, tels que l'emploi du vers et du merveilleux, sans qu'on se doutât que tout cela était réglé par une sorte de loi naturelle. On voulait retrouver partout, même dans l'Antiquité la plus reculée, les procédés de l'homme moderne qui, dans ses productions littéraires, a un plan déterminé et qui emploie les moyens propres à lui faire atteindre le but qu'il s'est proposé. On n'avait point l'idée de ces facultés de poésie instinctive, de cette puissance de composition collective qui, dans les temps primitifs, donne naissance aux symboles du langage, aux mythes religieux et aux traditions épiques. Voltaire, par exemple, qui faisait l'histoire de l'épopée dans la préface de la Henriade et qui ailleurs s'obstinait à ne voir dans les coquillages trouvés au haut des montagnes que des écailles d'huîtres apportées là par des pèlerins, ne soupçonnait pas plus le mode de formation lente et progressive de certaines créations de l'esprit humain dans les âges antéhistoriques que le mode de formation successive et spontanée des créations de la nature aux grandes époques géologiques. Si maintenant, par un excès opposé, on accorde parfois une importance trop exclusive à l'action anonyme des peuples, jadis on attribuait tout à l'action individuelle et réfléchie des grands hommes. Il est vrai que, même aujourd'hui, après les recherches de l'érudition la plus vaste et la plus ingénieuse, nous avons quelque peine à nous figurer très nettement comment l'imagination populaire produisait autrefois les mythologies et les épopées. L'humanité a quitté sans retour la période enfantine des fables pour entrer dans l'âge viril de la science. Notre temps n'enfante plus ni théogonie ni traditions épiques. Les facultés poétiques des peuples ont cessé de créer les divinités et les héros. On l'a dit avec raison, le merveilleux est propre aux véritables épopées, comme le surnaturel l'est aux cultes anciens. Mais de même que les miracles contemporains s'évanouissent à la lumière de la publicité, quand ils n'échouent pas devant la répression judiciaire, de même le merveilleux dans les poèmes modernes n'est plus qu'une figure de rhétorique, un moyen de convention qui n'abuse ni l'auteur ni le lecteur. La trop grande clarté qui règne de notre temps empêchant les vaporeuses figures du mythe de prendre un corps et de grandir dans les croyances des peuples, il s'ensuit qu'il nous est aussi difficile d'étudier sur le vif le mode de formation de l'épopée que celui des langues. Habitués à considérer des faits nettement déterminés et des personnages réels, nous ne parvenons pas à avancer d'un pied sûr dans ces âges crépusculaires où le possible et l'impossible se confondent, où la réalité et la fable s'unissent pour produire des êtres fantastiques et des événements extraordinaires. En présence de la difficulté que nous éprouvons à nous transporter à l'époque mythique et par suite du défaut de témoignages authentiques sur ces temps reculés, il est arrivé qu'on a mis en avant plusieurs systèmes pour expliquer l'origine des épopées nationales sans qu'aucun d'eux ait pu réunir en sa faveur des preuves assez complètes pour entraîner l'adhésion unanime. On relira toujours avec fruit les articles que M. Edgar Quinet a publiés à ce sujet dans la Revue des Deux Mondes en 1836 et 1837, articles remplis d'aperçus brillants et hardis dont la plupart ont été confirmés plutôt qu'ébranlés par les travaux postérieurs de la critique. Les différentes explications qu'on a données du problème peuvent se ramener à deux principales qui ont déjà été formulées plus ou moins nettement en Grèce. D'après les uns, il faut chercher l'origine de la tradition épique non dans les faits réels, mais dans les croyances religieuses, dans certaines vues sur la nature, dans les mythes, dans les symboles. Ces mythes, ces symboles, en se développant, auraient donné naissance aux légendes des dieux et aux récits mythologiques. Le côté divin de ces légendes et de ces mythes s'étant peu à peu obscurci, le sens primitif des antiques croyances aurait cessé d'être compris, tandis que le côté humain se serait au contraire développé. Les dieux anciens seraient ainsi devenus des héros et les épopées procéderaient des théogonies. On sait par exemple qu'Anaxagore cherchait déjà à interpréter les poèmes d'Homère par des explications allégoriques et que les stoïciens prétendaient que les mythes religieux n'étaient que les représentations figurées, les symboles des phénomènes de l'univers. Cette opinion, qui a quelque chose de séduisant pour l'imagination et qui permet d'attribuer à toutes les traditions épiques et religieuses une haute portée philosophique, comme essayèrent de le faire les néoplatoniciens, a trouvé également dans les temps modernes des partisans convaincus. Le grand ouvrage de Kreutzer sur les mythologies anciennes est conçu à ce point de vue. Mais dans ces dernières années, des études nouvelles, appuyées sur les recherches de la philologie comparée, ont prouvé que ce système n'était pas tout à fait conforme aux faits. Sans doute, dit la science contemporaine, les mythes ont leur source dans la vue des phénomènes de la nature et dans l'impression qu'ils produisaient sur l'esprit de l'homme, et les divinités ne sont que les symboles des forces cosmiques. Seulement, ces symboles ne sont pas des allégories. L'homme primitif ne songeait pas à envelopper sous le voile de la fiction une conception abstraite ou à cacher une idée profonde sous une image empruntée au monde matériel. Ce qui, pour les époques philosophiques, n'est qu'une fable ou une comparaison, est pour lui une réalité. Les éléments, le vent, la pluie, l'orage, les corps célestes qui parcourent le ciel, faisaient naître dans son imagination naïve l'idée d'êtres vivants, d'animaux célestes peuplant les espaces qui s'ouvrent au-dessus de la terre. L'homme que l'observation et la science n'ont pas encore éclairé croit voir dans les nuages qui prennent souvent en effet les formes d'animaux, tantôt des chevaux bondissants ou des centaures, tantôt des vaches dont le lait, sous forme de pluie, féconde la terre, tantôt quelques monstres prodigieux, un poisson gigantesque ou un dragon qui rampe à l'horizon. À ses yeux, l'éclair apparaît comme un serpent de feu dont le dard enflammé promène l'incendie dans les forêts, ou plus tard, comme une flèche d'or lancée par une divinité invisible. L'orage et la tempête lui semblent une chasse effroyable, conduite par le dieu du tonnerre, et dans les hurlements du vent, il se figure entendre les aboiements de la meute. Mais peu à peu, à côté des animaux célestes, viennent se grouper des êtres semblables à l'homme, des géants, des nains, des dieux. ces conceptions, transmises de génération en génération et devenant de plus en plus anthropomorphiques, donnent lieu à des légendes, à des récits où les êtres surnaturels jouent un rôle et interviennent dans les faits réels. Ainsi se forme le monde varié des mythes religieux, d'où dérive plus tard le mythe épique. Que telle soit en effet l'origine des mythologies, il nous semble que l'érudition allemande l'a établie avec une force qui ne laisse guère de place au doute le plus obstiné. Mais quand on veut démontrer que l'épopée a sa source principale, sinon unique, dans les mythes élémentaires, on arrive à des résultats moins satisfaisants. En effet, pour découvrir le mythe caché sous les figures et sous les légendes héroïques, on est forcé de remonter à des idées tellement générales qu'elles deviennent des abstractions qui n'ont plus aucun rapport nécessaire avec les traditions épiques qu'il s'agit d'expliquer. Dès lors, il est facile de retrouver ces abstractions sous le voile des traditions de tous les pays, surtout quand on met en relief les circonstances favorables à la théorie qu'on croit vraies et quand on laisse dans l'ombre celles qui y sont contraires, comme cela arrive sans qu'on s'en rende compte. Sans doute nous sommes portés à voir, par exemple, dans Siegfried, triomphant du dragon Fafnir et des Nibelungen, le dieu du soleil remportant la victoire sur les ténèbres et purifiant la nature, et par suite à l'identifier avec le Mitra persan et avec l'Apollon grec perçant de ses flèches le serpent Python. Il est même probable que les analogies qu'on ne peut méconnaître ici viennent d'un mythe solaire commun. Mais arrivé à ce degré de généralité, la critique sent le terrain se dérober sous ses pas. La discussion des faits devient presque impossible, car on n'a plus devant soi que des figures impalpables, vagues et légères comme des brouillards du matin, des conceptions de l'esprit dont on ne peut dire si oui ou non elles ont été entrevues par les peuples qui ont créé la tradition épique. D'après M. Schwartz, voyez Der Ursprung der Mythologie en 1860, Fafnir est le nuage orageux se traînant sur les éclairs, c'est-à-dire sur l'or brillant. Le nain Reginn et le Nibelungen, comme leur nom l'indique, sont aussi des représentations figurées des sombres nuées. Quant à Siegfried délivrant Brunhilde, c'est le dieu du printemps s'unissant à la déesse des nuages au milieu des flammes de l'orage. Avec des généralisations aussi audacieuses, on peut montrer que Henri IV, paraissant dans la chasse infernale à Fontainebleau, n'est autre qu'Odin, lequel n'est lui-même que la tempête chassant les nuages devant elle. Monsieur Preller reste sur un terrain plus solide quand, après avoir montré les traits communs de l'histoire de Persée et de Siegfried, il ajoute que toutes ces traditions remontent au mythe de l'Orient, où les combats du dieu soleil avec des monstres occupent une grande place. Comme ses héros, le Saint-Georges du Moyen-Âge triomphe aussi d'un dragon. L'autre explication, qu'on peut appeler historique, se rattache dans l'Antiquité au nom bien connu d'Evémer, qui soutenait, comme on sait, que les dieux qu'adorait la Grèce étaient les sages, les rois ou les guerriers des temps primitifs, peu à peu déifiés par l'admiration de la postérité. En appliquant cette manière de voir à l'épopée, on a cherché à montrer que le fond des traditions épiques était toujours emprunté à l'histoire et que les héros célébrés par les anciennes poésies de l'Inde, de la Perse, de la Grèce et de la Germanie étaient des personnages réels qui avaient remporté de grandes victoires ou rendu de grands services et dont la reconnaissance populaire avait éternisé le souvenir embelli. Si donc, d'après les uns, la poésie épique part du divin pour arriver à l'humain et, par des procédés anthropomorphiques, fait du dieu un héros, d'après les autres, cette poésie partirait de l'humain, qu'elle idéaliserait jusqu'au divin, et du grand homme ferait un héros ou un dieu par voie d'apothéose. Certainement, l'explication historique s'avance sur un terrain plus ferme que l'explication mythique, et on peut au moins vérifier les conclusions auxquelles elle arrive. Cependant, comme l'origine des traditions héroïques remonte presque toujours à des temps qui précèdent l'histoire, ou du moins à un ordre de faits qui a échappé au regard des historiens, les investigations les mieux dirigées n'arrivent à trouver que quelques noms propres et le souvenir plus ou moins vague de quelques grands événements. Souvent, le poème lui-même dont on veut découvrir la source est le seul monument qui reste de ces époques reculées, où des poésies transmises oralement de génération en génération étaient les seules annales que l'humanité conserva de son passé. Dès lors, pour que les recherches faites au point de vue historique puissent aboutir à quelques résultats satisfaisants, il faudrait, par l'étude comparée des littératures, chercher chez un peuple les éléments qui manquent chez un autre, démêler en Germanie telle période du développement épique dont les traces ont disparu en Grèce et trouver ainsi, s'il se peut, la loi générale qui préside à la marche progressive de la tradition, depuis son origine jusqu'au moment où, fixée en vers immortels, elle trouve enfin son expression définitive. On devrait imiter les procédés des géologues qui, pour compléter l'histoire d'une période de la formation du globe, empruntent aux différents pays tous les faits contemporains qui peuvent servir à expliquer les phénomènes demeurés obscurs. Des deux systèmes restés en présence, il ne faut, croyons-nous, rejeter complètement ni l'un ni l'autre, parce que tous deux ont mis en lumière un côté de la vérité. Un résumé rapide des faits constatés jusqu'à ce jour suffira pour montrer ce que chacun d'eux présente de fondé. Le désir de conserver le souvenir des événements qui l'ont frappé semble très prononcé chez l'homme, même dans les temps de barbarie. Or, en l'absence de l'écriture, ce n'est qu'au moyen du rythme, de la mesure et de la mélodie qu'il arrive à fixer dans sa mémoire ce qu'il veut retenir. De là vient qu'aux époques primitives, les traditions, les croyances, les prophéties, les lois mêmes prennent la forme du vers et que les annales de l'histoire et les textes des législations sont des odes ou des poèmes. Mais nulle part la coutume de célébrer par des chants les exploits des héros et les événements de la vie nationale ne reçut autant de développement que chez les peuples de race indo-germanique, tous doués de remarquables facultés poétiques. Ces compositions héroïques qui rappelaient la gloire des aïeux étaient chantées au jour de fête, quand la tribu marchait à l'ennemi ou quand elle se réunissait autour des tables du banquet. Elles avaient aux yeux de la foule quelque chose de sacré, comme le péan chez les Grecs, le carmen chez les Latins, le barditus chez les Germains, ou même comme l'air national pour les peuples de nos jours. Ceux qui composaient ou récitaient ces chants semblent avoir toujours joui d'une grande considération. C'étaient souvent des guerriers qui prenaient eux-mêmes part au combat. Dans les Nibelungen, l'ami de Hagen, Volker, est à la fois un guerrier illustre et un joueur de viol comme les skalds scandinaves. Le roi Alfred chantait les poèmes et les poésies saxonnes. Dans le Beowulf, poème anglo-saxon du 8e siècle, le fidèle du roi qui chante les poésies des anciennes sagas est un guerrier couvert de gloire. En Germanie comme en Grèce, les aveugles, dont la mémoire est plus fidèle, gagnaient leur vie en récitant les chants de la tradition populaire, mais ils n'appartenaient pas à la même classe que les chantres guerriers. Plus d'une fois, sans doute, sur les plateaux de l'Asie, comme dans les plaines de la Germanie, ces bardes, encore tout échauffés du carnage et pleins du feu qu'allume le succès, avaient décrit la lutte dont ils venaient de partager les dangers en des chants d'une énergie sauvage, qui était redit par les générations suivantes comme la tradition vénérée de la gloire nationale. Aussi haut que les parties les plus anciennes des Védas nous permettent de remonter dans l'histoire primitive du peuple aryen, nous y trouvons des rhapsodes chargés de célébrer les exploits des rois régnants en les comparant aux faits glorieux des rois anciens. Ces compositions poétiques étaient chantées avec une sorte de pompe religieuse aux grandes fêtes, surtout le jour du sacrifice solennel du cheval, et les auteurs qui connaissent le mieux l'histoire de la littérature indienne n'hésitent pas à reconnaître dans ces hymnes les sources de l'épopée sanscrite. Monsieur Albert Weber, entre autres, va même jusqu'à admettre que des fragments de ces chants primitifs ont été conservés dans le Rig Veda et dans les Brahmanas, commentaires en prose qui accompagnent les Védas. on peut consulter la traduction de l'ouvrage de M. Weber par M. Alfred Zadus, 1859, Histoire de la littérature indienne, page 46, etc. Chez les Perso-Ariens, on retrouve également la coutume des chants héroïques ayant pour sujet les grandes actions des rois ou des chefs. C'est avec le secours de ces traditions épiques, déjà recueillies, affirme-t-on, au VIe siècle, par les ordres de Nourshivan, que Firdousi composa la grande épopée persane, le Shahnameh. Les temps primitifs de la Grèce nous sont à peu près inconnus, mais nous voyons dans l'Odyssée Démodocus chanter devant Ulysse les événements de la guerre de Troie, et ce seul fait suffit pour prouver que l'usage de célébrer les actions d'éclat de la nation remonte à une antiquité très reculée. Il est d'ailleurs hors de doute qu'il a existé en Grèce différents cycles de poésie ayant pour objet les traditions de l'histoire nationale, comme, par exemple, le cycle des Sept devant Thèbes. Les chants populaires de la Grèce antique, dit M. Guignot dans le dictionnaire des Homérides, les Épéas, qui célébraient les héros, leurs aventures et leurs malheurs, s'étaient succédés durant bien des générations, avaient subi bien des transformations, bien des élaborations, avant que l'épopée fût possible. On ne peut contester l'existence de poètes, d'aèdes, chantant d'abord les faits réels et contemporains longtemps avant l'époque homérique. Le génie de Rome, à l'origine, est le génie sérieux et laconique du légiste plutôt que celui du poète. Cette cité, à la population si mêlée, fut dominée d'abord par l'influence des taciturnes étrusques à qui elle devait sa civilisation. Ce n'est donc pas ici qu'il faut s'attendre à trouver un grand développement de la poésie populaire. Cependant, on sait que Niebuhr a soutenu que les commencements de l'histoire de Tite-Live sont puisés dans les héroïdes des premiers rois. Voici quelques textes qui prouvent l'existence de chants héroïques à Rome. Cicéron, Tuscul, 1, 4. Gravissimus octor in originibus dixit cato, morem apud maiores hanc epularum fuisse, ut denseps, qui accubarunt, canerent at tibiam clarorum virorum lodes atque virtutes. Nonius de 70. Assa aderant in conviviis pueri modesti ut cantarent carmina antiqua in quibus lodes erant maiorum assa voce et cum tibicine. Festus camene muse quod canunt antiquorum lodes cascus vetus casmene antique. Denis, livre 1 sur Romulus et Rémus, voyez Michelet, Histoire de Rome, note. Les témoignages abondent pour prouver que les tribus germaniques et celtiques avaient conservé dans tout son juvénile éclat la coutume des chants héroïques qu'ils avaient hérités de leurs ancêtres. Dans la Gaule comme en Scandinavie, en Germanie comme dans la Grande-Bretagne, nous voyons les bardes ou les scaldes célébrer, en s'accompagnant de la harpe, les glorieuses actions des héros. Chaque fois que les légions qui marchaient silencieuses au combat rencontraient les armées du Nord, elles étaient frappées d'entendre les barbares entonner leurs chants de guerre avec un enthousiasme religieux. Après la conquête, les Germains conservèrent assez longtemps le goût de ces chants guerriers et même ce taillefer, au nom si belliqueux, qui, le jour de la bataille d'Hastings, précédait l'armée normande chevauchant et chantant de Carlemagne et de Roland, appartient encore à la famille des anciens bardes. À une époque plus récente, les poésies sur le Cid et sur Bernard de Carpio, recueillies dans le Romancero espagnol, celles sur Robin Hood en Angleterre et les poésies populaires de la Grèce moderne ont été composées dans des circonstances assez analogues à celles qui ont inspiré les chants héroïques de la Gaule et de la Germanie. On peut donc considérer comme démontré que la composition des épopées nationales a été partout précédée et préparée par celle des chants lyriques destinés à être répétés les jours de fêtes et de batailles et célébrant des faits historiques des héros réels. il faut maintenant essayer de déterminer le caractère de ces poésies primitives. Un premier point est hors de doute, c'est qu'elles étaient chantées avec accompagnement d'un instrument à cordes. C'est le souvenir de cet antique usage qui, devenu une tradition obligée, fait dire aux auteurs des épopées littéraires « je chante, etc. Arma virumque cano », quoique leurs poèmes fussent simplement destinés à être lus. Primitivement, la poésie et la musique sont étroitement unies. La lyre est le symbole du vers. De nos jours encore, les montagnards, qui semblent conserver partout sur les hauteurs une éternelle jeunesse sociale, ne connaissent que la poésie chantée. C'est aux époques civilisées, où la pensée l'emporte de plus en plus sur la sensation, que le vers se sépare ordinairement de la musique, pour ne plus s'associer à elle qu'exceptionnellement et en des œuvres d'un genre mixte. Toutefois, même alors, le rythme, la rime, la mesure ou l'allitération sont encore les vestiges de l'ancien élément mélodique. Un second point paraît aussi à l'abri de toute contestation sérieuse. Les poésies héroïques avaient toujours pour sujet, à l'origine, des événements réels, les actions glorieuses des rois ou des guerriers qui avaient illustré la tribu, ou bien quelques grandes catastrophes qui avaient vivement frappé l'imagination populaire. C'est ainsi que les rhapsodes des Ariens primitifs chantaient volontiers les victoires de cette race forte et belliqueuse sur les peuplades indigènes de l'Inde. Les aèdes grecs, la chute de Troie ou la guerre de Thèbes, les bardes celtes et germains, les exploits réels des héros de leur race. On ne peut nier ce dernier fait en présence des témoignages unanimes et très précis des historiens. Amien Marcellin dit, livre 15, « Bardi quidem forcia virorum facta heroices composita versibus, cum dulcibus lire modulis cantitarunt. » On peut comparer ce qu'avance à ce sujet Tacite, Posidonius apud Athénéum, Pomponius Festus, etc. Cassiodore écrit à Clovis au nom de Théodoric. Citara edum etiam arte sua doctum pariter destinavimus experitum qui ore manibusque consona voce cantando gloriam vestrae potestatis oblectet. Jornandes dit, en parlant des anciennes migrations des Goths, quem ad modum in priscis eorum carminibus pene historico ritu in commune recolitur. Après la chute de l'Empire, les premiers chants héroïques du Moyen-Âge avaient aussi des faits historiques pour sujet. Le prieur Geoffroy écrit à l'auteur de la chronique de Turpin à propos des hauts faits de Roland « Apud nos ista latuerant, actenus nisi quae, ioculatores insui preferebant cantilenis. » La chronique de Turpin, parlant d'Oël, comte de Nantes, dit « De hoc canitur in cantilena, usque in hodiernum diem. » En 866, Alberic parle des héroïque cantilenae, composées au sujet de la victoire de Charles le Chauve sur Gérard de Vienne. À la fin du IXe siècle, dans le Poeta Saxo, il est question des Vulgaria Carmina que chantent les ancêtres de Charlemagne, Avos et Proavos, Pipinos, Carolos, Ludovicos et Theodoricos et Carlomanos, Lotariosque, il serait facile de multiplier ces preuves. Mais si, après avoir constaté que les anciennes poésies héroïques étaient chantées et avaient un fond historique, nous voulons étudier de plus près leur caractère distinctif, c'est en vain qu'on chercherait à le faire dans les monuments de la haute antiquité. Remontant à une époque où l'écriture était inconnue ou hors d'usage, la plupart de ces chants ont été oubliés ou perdus. Ceux-là seuls ont survécu qui ont servi de base aux compositions épiques postérieures. Mais complètement remaniés et fondus dans les poèmes qui nous sont parvenus, il n'est plus possible à la critique la plus sagace de retrouver leur forme primitive. On est par conséquent obligé d'interroger les compositions d'une époque plus récente où existait, d'une part, dans certaines classes de la société, la naïveté, l'enthousiasme, l'ignorance enfantine qui favorise le développement de l'inspiration épique et où se rencontrait, d'autre part, une classe qui, plus lettrée et déjà curieuse, put recueillir les productions fugitives de la muse populaire. Dans les premiers temps qui suivirent les grandes invasions, les chefs et leurs guerriers conservèrent les mœurs héroïques et le goût des chants destinés à les célébrer, tandis qu'à côté d'eux, dans les couvents, seul refuge des restes d'une civilisation plus mûre, les moines s'efforçaient de garder le souvenir des événements auxquels ils assistaient et de rassembler les éléments de leur chronique. C'est à ces circonstances particulières que nous devons la conservation de quelques fragments d'anciens chants historiques qui peuvent en quelque mesure nous offrir un spécimen de ce genre de composition. Parmi ces poésies, une des plus dignes d'attention est, sans contredit, un chant en langue basque, découvert par Latour d'Auvergne vers la fin du siècle dernier, dans un couvent de Fontarabie. Ce chant, dont on assure que des versions orales sont encore conservées dans les Pyrénées, retrace l'impression produite par le passage de l'armée de Charlemagne et par sa défaite à Roncevaux. Rapide, énergique, pleine de sentiments patriotiques, cette composition est d'une couleur simple et vraie qui peint au vif en quelques traits les hommes et les lieux. On y reconnaît la véritable inspiration épique, comme dans les chants des montagnards de la Grèce. On peut encore citer, parmi les chants historiques primitifs du Moyen-Âge, celui qui fut composé lors de la victoire remportée par Louis III sur les Normands au bord de l'Escaut, en 881, et que Mabillon a retrouvé dans l'abbaye de Saint-Amand, près de Tournai. Le chant en latin rimé composé en l'honneur de la victoire de Lothaire II sur les Saxons, et qui n'était, d'après le témoignage de Saint-Hildegard, qui nous en a conservé le texte, que la traduction d'un chant vulgaire, lequel, à cause de sa rusticité, se trouvait dans toutes les bouches, et que les femmes chantaient en dansant et en battant des mains. Le chant de Fontenay, composé par un guerrier germain, Anglebert, qui, semblable aux bardes antiques, combat au premier rang, prima frontis acier, mais qui, pour ne point paraître barbare, se sert du latin ou fait traduire ses vers en cette langue par quelques moines plus savants que lui. Et enfin, le chant composé par les soldats de l'empereur Louis II, prisonniers à Bénévent, pour s'animer à la délivrance de leur souverain. Le fragment de Cassel sur le combat de Hildebrand et de son fils Hadubrad se rapproche, pour la forme, des anciennes poésies héroïques, mais il n'est pas démontré qu'il se rapporte à un fait historique. On pourrait citer le chant de guerre armoricain, la marche d'Arthur, reproduit par M. de la Ville-Marquet, si l'on connaissait mieux la date de sa composition et son origine. De même que dans les commentaires en prose des Védas, on rencontre des traces d'anciens chants. Ainsi, dans les chroniques du Moyen-Âge, on trouve parfois des chansons nationales transcrites à peu près mot à mot. Pour ne citer qu'un exemple, le remarquable récit de la prise de Pavie par Charlemagne dans le Moine de Saint-Gall est évidemment écrit d'après un chant de guerre, dont il conserve encore le mouvement et la couleur poétique. Monsieur Lenormand a même découvert un chant en vers latin sur Childebert, introduit dans la vie d'un abbé de Saint-Germain par un moine du IXe siècle nommé Gislemar, qui a écrit la composition versifiée à la suite, comme de la prose, en ajoutant seulement quelques mots par-ci par-là, afin de déguiser la mesure. À juger des chants historiques qui semblent avoir été partout les premiers germes de l'épopée, d'après ceux dont le texte nous est connu, on peut dire qu'ils se distinguent par une grande simplicité et qu'ils n'ont d'autre mérite littéraire que l'énergie des sentiments qu'ils expriment et d'autres prétentions que celle de l'exactitude des faits qu'ils racontent. Le merveilleux n'y entre pas encore, c'est la réalité peinte en quelques traits abrupts. Le plan est peu compliqué, le récit bref, point de description ni de développement. Le héros nettement mis en scène, le fait principal bien mis en relief, cela suffit à un chant de guerre. Pour que ces chants primitifs puissent donner naissance à l'épopée nationale, la réunion de plusieurs circonstances est nécessaire. Il faut en premier lieu que ces poésies ne soient point dès l'abord fixées par l'écriture, sinon elles ne pourraient se prêter aux transformations successives qui doivent les préparer à servir plus tard d'éléments épiques. En second lieu, il faut qu'elles se produisent dans un temps où les guerriers et les chefs partagent les croyances naïves, les passions, les enthousiasmes et même l'ignorance de la foule, sinon les chants destinés seulement à charmer l'humble esprit de l'homme attaché à la glèbe, ne pourraient se revêtir de ces couleurs héroïques qu'ils doivent emprunter au caractère intrépide et fier de l'homme qui combat. Il faut enfin que ces chants guerriers puissent se grouper autour du souvenir de quelque grand événement, sinon, bientôt oublié, ils ne pourraient être sans cesse remaniés et embellis par l'imagination populaire. Quand ces conditions se rencontrent, quand, à une époque où l'esprit critique n'a pas encore tari la source des fictions et où l'histoire n'a pas chassé la légende, un sentiment profond s'empare de toute une population et exalte ses facultés poétiques. Alors seulement, les chants historiques transmis de génération en génération se réunissent, se fondent les uns dans les autres et finissent, sous l'empire d'une commune inspiration, par former un ensemble qu'on a appelé un cycle. Dans les civilisations primitives, le seul sentiment qui puisse être assez général pour s'emparer de tout un peuple et assez durable pour permettre à la tradition épique de se développer, c'est l'orgueil national et la haine vivace et ardente qu'inspire la lutte contre une race ennemie. Aussi voyons-nous partout les cycles héroïques se former sous l'influence d'une inspiration patriotique. Dans l'Inde, on a pu déjà constater l'existence de deux cycles principaux. Le premier, qui avait pour sujet les conquêtes des Aryens et du brahmanisme sur les indigènes et qui a produit plus tard, sous l'action des idées religieuses, le Ramayana, le second, qui avait pour sujet les luttes des conquérants de l'Inde entre eux et qui a donné naissance au Mahabharata. En Grèce, le cycle des poésies nationales, qui a préparé l'Iliade, s'est formé par les souvenirs et surtout par l'impression de la lutte séculaire des Hellènes contre les peuples de l'Asie mineure. En Perse, la partie ancienne du Shahnameh émane du cycle des guerres des populations agricoles de l'Iran contre les tribus nomades du Touran. Au Moyen-Âge, dans la Gaule, on trouve le cycle des luttes du Midi gothico-romain contre le Nord franc, représenté, entre autres, par le poème de Gérard de Roussillon, le cycle des résistances féodales contre le pouvoir royal, dont on peut voir l'expression vraiment dramatique dans le roman de Garin, L'île aux Reins. Enfin, le cycle des luttes contre les Sarrasins, dont est sortie la chanson de Roland. En Espagne, on rencontre deux cycles principaux de romances héroïques, mais qui n'ont pu arriver à l'état d'épopée complète, les uns réunis autour du nom du Cid et rappelant les combats des chrétiens contre les Maures, les autres autour de celui de Bernard del Carpio, et célébrant les luttes de l'Espagne contre les invasions du Nord. Les ballades anglaises de Robin Hood étaient inspirées, suivant l'opinion d'Augustin Thierry, qui reste encore la plus probable, par l'opposition des Saxons vaincus contre l'aristocratie normande. Comme les poésies de la Grèce moderne l'ont été par la haine contre la domination turque. Ainsi, on le voit, le fait est général. Partout, c'est sous l'empire de l'exaltation du sentiment national que se groupent les chants héroïques d'où sortent les épopées. Mais avant d'arriver à cette forme définitive, la tradition épique reste longtemps à l'état de poésie populaire, flottante, transmise de bouche en bouche et d'âge en âge, toujours remaniée par chaque génération qui lui imprime le caractère de ses croyances, de ses passions et de ses facultés. Cette période de composition successive et pour ainsi dire spontanée se prolonge pendant un temps plus ou moins long, peut-être 2000 ans dans l'Inde et dans la Perse, 5 à 6 siècles dans la Grèce et dans la Germanie, 2 siècles au plus dans la France du Moyen-Âge. C'est pendant cette période que l'imagination populaire crée le merveilleux et le mythe, enfante des héros fabuleux ou grandis au gré de ses prédilections, les personnages et les événements réels. La transition du grand homme historique à la figure épique se fait graduellement et d'après les tendances propres aux populations qui ont conservé son souvenir. Parfois aussi, celle-ci s'attache à un guerrier peu connu ou complètement ignoré de l'histoire, et même presque entièrement fabuleux. Qu'ont été en réalité Achille et Siegfried, Feridun et Rustem? Quand ont-ils vécu? Par quels exploits ont-ils mérité l'éternelle admiration que leur ont vouée les hommes de leur race? Nul ne répondra jamais à ces questions, car ces grandes figures ont passé sur la scène du monde quand la poésie, avec ses mobiles fictions, pouvait seule conserver l'écho de leur nom. Roland était gouverneur de la Marche de Bretagne, voilà la seule mention que l'histoire fasse de ce personnage sublime. Mais il est tombé au passage des Pyrénées en défendant la Gaule contre ses terribles ennemis les Sarrasins. Cela suffit. L'enthousiasme populaire s'attache à ce nom. Il prête à son héros un courage inébranlable, une force prodigieuse. À lui seul, il arrête une armée. D'un coup de son épée, il fend les montagnes. Il succombe, non sous les coups de l'ennemi, mais de l'effort qu'il fait pour rappeler l'empereur. Sa mort est plus glorieuse qu'une victoire. La défaite de Roncevaux est oubliée. La vanité nationale est satisfaite par la gloire du héros invincible, gloire dont elle-même a fait presque tous les frais. Partout, les nations se sont passionnées ainsi pour certaines figures qui représentaient les sentiments dont elles étaient animées. Chacune d'elles s'était prise de son héros de prédilection. Elle l'a doué de toutes les vertus qu'elle admirait. Elle lui a prodigué toute la puissance qu'elle désirait pour elle-même. Elle lui a prêté ses passions, mais idéalisées. Elle lui a attribué ses hauts faits, mais agrandis. Elle en a fait un type dans lequel se reflètent les traits principaux du caractère national. Roland, dit M. Vitet, c'est la France, c'est son aveugle et impétueux courage, image vivante qui, dans les traits d'un seul homme étudié d'après nature, nous montre ceux d'un peuple tout entier. Voyez Revue des deux mondes, 1er juin 1852, la chanson de Roland. Peu à peu, la tradition se fixe. Le peuple croit à la réalité de cette figure que ses chants ont faite si belle, car il n'a pas d'autre histoire. Cette figure est réelle d'ailleurs, car elle est l'image purifiée de la race qui l'a produite, et, si on peut s'exprimer ainsi, l'incarnation de son génie. Quand le personnage, objet de l'enthousiasme général, est complètement transfiguré et est devenu presque un demi-dieu, quand sa vie a pris aux yeux de la nation un tel caractère d'authenticité que nul ne doute plus des faits rapportés par la tradition, alors le peuple s'incline devant son héros. Il l'admire, il répète ses louanges et il est prêt à adorer la création de ses propres facultés poétiques. Ainsi fait, la jeune fille est prise. Elle orne l'homme qu'elle aime de toutes les qualités qu'elle admire. Elle le voit non tel qu'il est, mais tel que son imagination le lui montre. C'est la fable toujours vraie de Pygmalion adorant la statue dont les lignes divines sont l'œuvre de son génie. Seulement, à chaque génération, la jeunesse, avide d'idéal, crée encore les idoles qu'elle chérit. Tandis que, pour l'humanité, ce temps de création poétique et d'enthousiasme juvénile est passé sans retour. Les poèmes artificiels des temps civilisés, tels que l'Énéide et la Jérusalem délivrée, sont bien aussi, comme les épopées naturelles, le produit de l'imagination humaine s'exerçant sur des faits réels ou sur des traditions populaires. Mais en créant les premières, l'imagination du poète est dirigée par la réflexion et par le goût, et il a conscience du but qu'il veut atteindre, tandis qu'en créant les secondes, l'imagination du peuple opère, pour ainsi dire, instinctivement et obéit, sans le savoir, à des lois générales et à des conceptions préexistantes. L'aspiration vers l'idéal, qui est la source profonde d'où sort l'épopée et toute œuvre d'art, ne meurt pas au cœur de l'homme. Seulement, ce noble et indestructible sentiment n'agit plus que sous le contrôle de la raison et sous l'œil de la critique. Il perd ainsi sa spontanéité native et l'on cesse de croire à la réalité des figures qui l'enfantent. La foi manque au poète et au public. L'œuvre peut être très belle encore, mais elle n'aura plus la même action sur la vie nationale. Elle sera peut-être, comme le poème de Virgile, l'ornement d'un siècle littéraire et les délices de tous les esprits cultivés. Ce ne sera plus comme l'épopée homérique, pour toute une race un objet d'enthousiasme et de culte, une cause de civilisation, une source de croyances religieuses et l'origine d'un grand développement moral et artistique. Dès que les progrès de la science et l'éveil du sens critique ont refroidi ces foyers de poésie vivante, d'où jaillissaient avec une merveilleuse profusion les figures lyriques, les métaphores et les légendes, les symboles du langage et du culte, en un mot, le mythe sous toutes ses formes, on ne voit plus se produire ce mirage enchanteur qui présentait aux yeux d'un peuple jeune et crédule son image transfigurée sous la forme du héros épique. Quand les circonstances sont favorables, quand l'imagination de la foule est fortement ébranlée par quelques catastrophes terribles ou par de grands événements, le mythe historique se forme plus vite qu'on ne serait disposé à le croire. On peut voir dans les études historiques et critiques sur les origines du christianisme, par M. Stapp, première étude, des exemples frappants de la rapidité avec laquelle la légende naissait et s'imposait à la croyance générale dans l'Antiquité, surtout aux époques de fermentation religieuse. C'est ainsi, par exemple, que dans la chronique de Saint-Gall, écrite vers 884, en partie d'après les souvenirs d'un vétéran du nom d'Adalbert, qui avait fait les campagnes de Charlemagne, les faits prennent déjà un caractère fabuleux et les hommes des proportions surnaturelles. Aeschar de Dourgov vaut à lui seul une armée. L'empereur, après avoir vaincu les Huns, fait couper la tête à tous les enfants qui dépassent la hauteur de son épée. Un guerrier franc, dans l'expédition contre les Slaves, enfile à la pointe de sa lance, comme des grenouilles, outre Anunculi, 8 ou 9 hommes et les porte deçà delà, embrochés et murmurant des paroles qu'il ne comprend pas. Perforatos est nescio quid murmurantes. Nous voyons même le mythe historique se produire, du moins en germe, pour ainsi dire sous nos yeux, parmi des populations intelligentes mais peu civilisées, chez qui une vive exaltation patriotique s'unit à une certaine ignorance et à une grande crédulité. La légende se forme principalement chez les populations isolées, dont la culture intellectuelle n'est pas supérieure à celle des peuples primitifs. On pourrait en citer d'innombrables exemples. Monsieur Élisée Reclus rapporte que sur le littoral des Landes, on lui racontait qu'un navire échoué sur cette côte à la fin du siècle dernier avait englouti Louis XVI et toute la famille royale, et que dans les basses Alpes, un jeune chasseur, aussi intelligent que dépourvu d'instruction, lui parlait de la reine Jeanne de Naples, femme de Robespierre. De nos jours, on a pu observer la naissance de ces premiers éléments de l'épopée dans un pays retombé, en quelque sorte, au temps de sa civilisation primitive, dans la Grèce moderne à l'époque de la guerre de l'indépendance. Comme le remarquait M. Edgar Quinet, à presque tous les cleftes contemporains sont attribuées les actions surhumaines. Que manquait-il à Karaïskaki, à Botzares, à Tsarmados, à Nikitas le Turcophage, pour devenir autant de types généraux? Ils conversent avec leurs sabres, avec les têtes coupées, avec le fleuve qu'ils traversent, avec les montagnes qu'ils gravissent. Des oiseaux aux ailes d'or leur parlent un langage magique, souvent un seul accomplit des prodiges pour lesquels suffirait à peine une armée entière. Dans ces champs, productions instinctives des croyances populaires, les faits réels prennent déjà, on le voit, les teintes merveilleuses de la fiction héroïque. Une fois le mythe historique créé de la façon que nous venons d'esquisser, la série des transformations que subit ordinairement la tradition épique n'est pas encore terminée. En effet, elle se modifie constamment, aussi longtemps qu'elle reste vivante, c'est-à-dire tant qu'elle correspond aux croyances, aux sentiments qui l'ont fait naître et qu'elle ne prend pas une forme définitive. La matière poétique, si on peut s'exprimer ainsi, demeure en fusion et amalgame les éléments divers qu'elle reçoit en un métal unique et splendide, dont plus tard se formera sous la main du poète élu la grande épopée nationale. C'est pendant cette époque de préparation que se produisent ces changements dans les noms de lieux et de personnes qui déroutent si fréquemment les recherches de l'érudition. C'est alors que des courants de légendes, de sagas, venus de points souvent très éloignés, se rejoignent et se mêlent, tantôt de façon à ce qu'on puisse encore distinguer leur origine différente, tantôt d'une manière aussi intime qu'ils sont complètement confondus dans une véritable unité poétique. C'est alors aussi que de nouveaux personnages viennent peu à peu enrichir le tableau et compléter les péripéties de l'action. Enfin, le mythe religieux arrive à se combiner avec le mythe historique et donne à celui-ci une portée théologique ou morale qu'il n'avait pas d'abord. Cette intervention du merveilleux, dont on a fait, non sans raison, l'un des principaux caractères de l'épopée, demande quelques explications. Le développement des mythes religieux et des poésies qui les ont exprimés semble avoir suivi à peu près l'ordre suivant, non chez chaque peuple, mais dans l'humanité. L'homme, frappé de terreur ou ému de reconnaissance à la vue des phénomènes tantôt terribles, tantôt bienfaisants de la nature, s'est pris à adorer et à implorer ces forces inconnues, si écrasantes pour sa faiblesse. Quand il entendait gémir le vent et gronder le tonnerre, quand il voyait le feu du ciel jaillir des nuées et celles-ci, semblables à des monstres effroyables, courir au-dessus de sa tête, poursuivi par la tempête, il s'imaginait que c'étaient les manifestations d'êtres célestes, tantôt irrités, tantôt apaisés, mais dont dépendait sa sécurité, sa vie. Les croyances nouvelles, dit M. Louis Hainaut dans son charmant ouvrage sur la Norvège, n'ont pas encore effacé l'impression des superstitions antiques. Si quelques bruits inaccoutumés troublent le silence des nuits, le paysan se dit tout bas « c'est Odin qui passe ». Si le vent pleure et gémit le soir dans les sapins, c'est la chasse d'Odin qui poursuit les loups. Nous sommes surpris que M. Hainaut ait pris au sérieux l'évémérisme naïf de Saxo Grammaticus et des anciennes histoires de Norvège qui font d'Odin un personnage réel et un allié de Mithridate. Plus tard, distinguant chaque ordre de phénomène, il a rapporté ceci à des êtres surnaturels régnant en maîtres absolus, chacun dans son domaine propre. Ainsi se sont formés les dieux élémentaires, le ciel, la terre, la mer, le soleil, etc. Peu à peu, comme on attribuait à ces divinités de la nature une influence bonne ou mauvaise, soit sur la vie de l'individu, soit sur les destinées de la nation, on leur a prêté les sentiments de l'homme, ses facultés et même ses formes extérieures. C'est à cette période du développement du mythe qu'appartiennent les mythologies indiennes, grecques et germaniques. Mais l'esprit humain ne s'arrête pas là. Par l'idée de subordination nécessaire des divinités diverses à un maître unique, et par la notion de cause et d'effet appliquée au problème de l'origine des choses, il s'élève enfin au principe d'un Dieu unique, créateur ou tout au moins ordonnateur de l'univers et dispensateur des biens et des maux. De ces trois moments de l'évolution religieuse, le second seul est propre à favoriser la formation de la tradition épique. Quand l'homme n'adore que les éléments, l'ordre de croyance qui résulte de ce culte ne peut créer des figures assez nettement déterminées pour prendre place dans l'épopée. Si, au contraire, il s'élève à la notion d'un être suprême, tout-puissant et infini, cette idée est trop grande, trop sublime pour pouvoir entrer dans la trame des fables héroïques. Ainsi, d'une part, le ciel, la mer, les éléments ne peuvent jouer un rôle individuel dans l'épopée que sous la forme de figures anthropomorphiques, forme abstraite, à laquelle les peuples primitifs n'arrivent pas tout d'abord. Et, d'autre part, une religion qui n'admet point que Dieu ou ses attributs s'incarnent dans la nature ou dans l'humanité ne peut évidemment fournir des personnages divins aux compositions épiques. Au contraire, le polythéisme grec ou germanique, avec son peuple varié de dieux et de déesses, symboles non point abstraits, mais réels et vivants, prépare à l'apogée tout un personnel de figures tour à tour majestueuses, touchantes ou terribles, prêtes à descendre de l'Olympe pour entrer de plein pied dans l'action du poème. S'opposant tous deux à la production d'un véritable merveilleux, le fétichisme et le monothéisme sont donc également peu favorables à la poésie épique. Aussi, chez les peuplades qui ne sont pas élevées au-dessus du culte de la nature, ne trouve-t-on que quelques rudiments de poésie grossière, et les nations qui ne croient qu'en un seul dieu peuvent bien produire des épopées artificielles, aux époques littéraires, mais non des épopées naturelles, aux époques primitives. L'exemple des Juifs, peuple monothéiste par excellence, le prouve. On pourrait objecter que les démons, personnification du bien et du mal, auraient pu intervenir dans une épopée juive, comme ils le font dans le Paradis perdu. En effet, même les livres antérieurs à la période persane connaissent des personnages célestes qu'ils nomment messagers de Dieu, fils de Dieu. Ils parlent aussi d'anges qui, sans être mauvais par essence, comme ceux de la démonologie ultérieure, ont pour fonction spéciale d'instiguer au mal et d'être les ministres des vengeances divines. En Judée, comme chez les autres peuples, l'imagination populaire avait peuplé les lieux retirés et les ruines d'esprits malfaisants et de spectres, et avait enfanté des traditions merveilleuses. Un autre élément épique aurait encore pu être fourni par les dieux des nations étrangères, qui semblent avoir été considérés parfois, surtout primitivement, comme des êtres réels en lutte avec le dieu national, Jéhovah. On ne peut donc contester l'existence chez les Juifs des germes de l'épopée, mais il n'en est pas moins certain que le dogme de l'unité divine a empêché ces germes de se développer et ces traditions poétiques de devenir assez arrêtées pour constituer un poème. Peut-être aussi, faut-il ajouter, et sans trop le regretter pour lui, que le sémite n'avait pas la tête épique. On pourrait objecter aussi que Firdousi ne croyait qu'au dieu unique du Coran, mais le Shah Nameh contient les anciennes traditions de l'Iran et respire encore tellement le mazdéisme qu'on a mis en doute l'orthodoxie musulmane de son auteur. Les Grecs, au contraire, qui ont poussé la mythologie anthropomorphique au plus haut degré de perfection, sont aussi ceux qui ont produit la poésie épique la plus admirable. Quand un peuple attribue à ses divinités la forme humaine, il est facile de comprendre comment, à une époque où la distinction du naturel et du surnaturel n'est pas encore nettement perçue, le mythe religieux et le mythe historique viennent à se réunir, et comment le polythéisme introduit ces dieux-hommes à côté des hommes-dieux de l'épopée. D'ordinaire, les héros sortent du sang de quelques divinités. Achille est le fils de Thétis, aîné l'est de Vénus. Sigurd descend en ligne directe d'Odin. Hélène est fille de Jupiter. Brunhild est une valkyrie. Souvent, les dieux interviennent dans les combats, soit pour protéger les héros qu'ils chérissent, soit même pour frapper ceux dont ils veulent la perte. Neptune, Vénus, Mars lui-même combattent dans les plaines de Troie, et Odin lutte contre Sigmund, le père de Sigurd. Fréquemment, les armes que portent les principaux personnages ont une origine divine. Celles d'Achille sont l'œuvre de Vulcain, et la bonne épée que porte Sigurd est forgée avec les débris du glaive d'Odin. Ainsi, les figures divines se mêlant sans cesse dans une action commune, le merveilleux pénètre l'épopée tout entière, non point par suite de quelques desseins préconçus, mais par l'effet naturel des croyances générales. Parfois aussi, le héros épique prend, peu à peu, les attributs de quelques divinités morales ou astronomiques. Tacite rapporte dans la Germanie que les Germains chantaient dans des vers antiques leur seule histoire, l'origine et la filiation de leur dieu, et qu'en marchant au combat, ils célébraient le dieu de la guerre. Et il dit aussi dans les annales que les barbares chantaient encore les hauts faits d'Arminius. Voilà donc deux espèces de traditions et de poésie, les unes mythologiques, les autres historiques. Mais séparées d'abord, elles finissent par se confondre. La conception anthropomorphique de l'une des facultés de l'âme ou de l'un des phénomènes de la nature s'introduit dans la tradition héroïque à laquelle elle donne une physionomie et une portée nouvelles. Le mythe qui préexistait dans la foi nationale vient féconder la légende. L'homme réel qui a vécu, déjà grandi jusqu'aux proportions du surnaturel par l'imagination et la vanité nationale, devient un être surnaturel, un fils de Dieu, sous l'action des idées théologiques. Tacite constate ce fait chez les Germains. Il dit en parlant de Velleda, « Et virgo nationis bructere, late imperitabat, vetere apud germanos more, quo plerasque feminarum fatidicas, et ogecente superstitione, arbitrantur deas. » Ces transformations successives étant l'effet d'une disposition naturelle de l'esprit humain, on voit d'où vient que les personnages auxquels elles donnent naissance présentent partout des traits à peu près communs que l'érudition contemporaine s'efforce de mettre en relief. C'est ainsi, par exemple, qu'on pourrait expliquer les rapports que quelques auteurs prétendent découvrir entre le héros indien Karna, descendant du dieu du soleil, et Sigurd, descendant d'Odin, dont le soleil est l'œil, en se rappelant toutefois que dans l'état actuel de la science, ces rapports ont encore besoin de confirmations nouvelles. Holtzmann, Untersuchungen über das Nibelungenlied. Leo, Vorlesungen über die Geschichte des deutschen Volkes. Ce qui précède montre comment la saga épique a ses origines à la fois dans le mythe et dans l'histoire. L'homme réel, qui a vécu transformé par la légende, peut devenir le héros épique. Mais il n'y a point d'exemple, c'est Grimm qui l'affirme, qu'un dieu soit devenu un héros. Au contraire, ce qui arrive fréquemment, c'est qu'un personnage historique pénètre dans le mythe et tienne la place d'une divinité. Ainsi l'on sait que la tradition partout répandue de la chasse infernale est un mythe élémentaire de la plus haute antiquité et qui remonte au temps où les hommes primitifs croyaient entendre et voir dans les nuages chassés par la tempête mugissante une divinité céleste poursuivant les grands fauves des forêts. Cette tradition se conserve de siècle en siècle dans l'imagination populaire. Le thème reste le même, seulement un personnage contemporain prend la place du dieu ancien. Celui qui conduit la chasse infernale, ce n'est plus Odin, c'est Henri IV ou Gustave Adolphe. L'imagination populaire confond ainsi les éléments mythiques et les éléments historiques dans une saga, dans une tradition, où ils se trouvent si intimement unis que l'érudition la plus sagace ne parvient presque plus à les discerner. On montre dans l'église de Xanten une statue du Moyen-Âge représentant un guerrier les pieds appuyés sur un dragon. Ce guerrier est, suivant la tradition de l'église de Xanten, Saint Victor, un chef d'armée romain, converti au christianisme et tué par les païens aux environs de la ville vers la fin du IIIe siècle. Mais d'après la légende populaire, la statue représente Siegfried, vainqueur du dragon Fafnir. La synonymie des deux noms, Victor et Siegfried, le victorieux, de Sieg, victoire, a sans doute donné lieu à la confusion des deux personnages légendaires, et la statue aura été conçue d'après la légende. Quand les différentes parties de la tradition épique forment déjà une action qui a son exposition, ses péripéties et son dénouement, souvent il arrive que cette action est encore remaniée jusqu'à ce qu'elle réponde à quelque croyance populaire ou à quelque loi morale. Cette croyance ou cette loi imprime à l'œuvre du génie national une unité si grande et un sens si déterminé qu'on est parfois tenté de l'attribuer aux combinaisons réfléchies d'un poète. L'épopée devient alors le vaste et magnifique développement d'une conception très simple de la pensée populaire. C'est ainsi, par exemple, que la donnée de l'ancien cycle de Sigurd était l'idée que la possession d'un trésor porte malheur à ceux qui s'en emparent ou qui le convoitent. La notion d'une loi fatale qui domine toute l'action et qui entraîne les personnages à leur perte est exprimée avec d'autant plus de force que l'œuvre est plus ancienne. Dans le vieil Échille, tout plein du sentiment des antiques traditions, un destin inexorable précipite la marche des événements. Dans Homère, le dénouement est fixé d'avance par la volonté immuable des dieux. Achille sait qu'il doit succomber sous les murs d'Ilion. Quand les Nibelungen traversent le Danube, les filles des eaux prédisent à Hagen que nul d'entre eux ne repassera le fleuve. Ces exemples montrent comment, aux yeux des populations primitives, une nécessité de l'ordre moral ou religieux imprimait à la légende une forte et solennelle unité qui préparait celle du poème. Pendant que s'opèrent ces différentes élaborations du sujet de la tradition, la forme des chants qui la contiennent subit aussi quelques changements. D'abord, ceux qui ne rappellent que des circonstances indifférentes ou qui n'ont point frappé l'imagination de la foule sont bientôt ensevelis dans l'oubli. Ceux, au contraire, que le peuple retient et qui conservent les traits marquants de l'action se groupent, se combinent et peu à peu se distribuent en épisodes assez intéressants en eux-mêmes pour exciter et pointent assez longs pour fatiguer l'attention pendant la séance d'un jour de fête ou de banquet. La chanson de guerre primitive, qui était brève, animée, lyrique, destinée à être répétée au moment de la bataille, devient ainsi un récit dont la marche est paisible, dont toutes les circonstances sont mises en relief et qui est destinée à charmer l'oreille d'une réunion attentive. Les poésies saxonnes que le roi Alfred récitait étaient, d'après les premiers historiens, des poèmes de ce genre. Asser, chroniqueur du IXe siècle, en parle ainsi. Saxonica poemata di noctuque soler soditor relata aliorum sepissime audiens docibilis memoriter et inebat. Ailleurs, il est vrai, il parle aussi de Carmina, et ce mot semble signifier des chants populaires. Et saxonicos libros recitare, et maxime Carmina saxonica memoriter, discere non desinebat. Les divers épisodes sont enchaînés les uns aux autres par le lien d'une action générale. Ils forment les parties d'un ensemble dont les traits principaux et le dénouement sont connus des auditeurs. Après ce remaniement, l'époque de préparation est terminée. Souvent, des œuvres préparatoires, des ébauches d'épopées préparent l'œuvre dernière qui rejette plus tard toutes les autres dans l'oubli. C'est ainsi que le Mahabharata, qui contient 200 000 vers, parle d'une première recension qui n'en avait que 8 000. Le Shah Nameh de Firdousi a été précédé par un recueil plus ancien des traditions persanes, de même qu'avant Homère, le cycle de la guerre de Troie formait déjà un ensemble épique. Il est également certain qu'il a existé sur les traditions des Nibelungen un poème antérieur à celui que nous possédons. La matière épique est prête. Elle n'attend plus que l'artiste qui doit la mettre en œuvre, le poète qui, portant en lui le génie de sa nation, donnera à la légende sa forme définitive. La tradition héroïque n'a point passé partout par les différentes phases que nous venons d'indiquer. Ici, c'est le fond même, le sujet. Là, c'est la forme, les chants qui ont échappé à l'une ou l'autre de ces élaborations. En Espagne, par exemple, le merveilleux n'a presque point pénétré dans les cycles des romances historiques. Dans la Grèce moderne, les traditions de la lutte de l'indépendance sont restées sous forme de chants populaires, les conditions nécessaires pour la formation de l'épopée ne s'étant point rencontrées. En France, au Moyen-Âge, le merveilleux ne s'est mêlé aux souvenirs épiques que sous l'influence de l'Église. Il en est résulté qu'au lieu de leur communiquer un sens plus élevé en rapport avec les données premières, il en a émoussé toute la vigueur par une couleur monastique en opposition complète avec les mœurs héroïques, comme on peut s'en convaincre en comparant l'ancienne chanson de Roland avec la chronique de Turpin et avec les romans ecclésiastiques sur Charlemagne. Dans le Ramayana et le Mahabharata, les mythes religieux ont absorbé si complètement les traditions historiques que les personnages de l'épopée ne sont plus, pour ainsi dire, que des symboles théologiques et l'action que le développement de systèmes philosophiques. En Allemagne, au contraire, quand la tradition a pris la forme du Nibelungenlied, le christianisme ayant définitivement banni les anciens dieux et les antiques croyances de la Germanie, on ne retrouve plus dans ce poème que la trace presque effacée des mythes primitifs. En Grèce seulement, tout s'est réuni pour favoriser la production d'une belle œuvre. La tradition est arrivée à maturité quand le polythéisme hellénique, si favorable aux créations de l'épopée, était encore dans toute sa jeunesse, dans toute sa puissance, et avant que ces mythes se fussent transformés, comme durant la période alexandrine, en conception métaphysique. Les croyances religieuses et les souvenirs historiques, harmonieusement associés, étaient restés vivants dans l'âme du peuple et y entretenaient une sorte d'enthousiasme mystique et national. Les éléments humains et divins s'étaient mêlés dans une exacte proportion, sans que les uns étouffassent les autres. Si l'on songe d'ailleurs que ce peuple privilégié avait plus que nul autre le sentiment de la mesure, de la convenance, de la poésie et du beau sous toutes ses formes, on entreverra quelques-unes des causes qui ont permis à la Grèce de créer un poème si supérieur comme œuvre d'art aux épopées nationales des autres pays. Il y a encore une phase particulière du développement de la poésie épique au Moyen-Âge qu'il faut indiquer ici, parce qu'elle explique en partie l'infériorité relative des productions de cette époque, y compris le Nibelungenlied. En Grèce, les légendes se sont conservées par le chant sans le secours de l'écriture, et c'est dans cette source vive que le poète a puisé ses inspirations. Au Moyen-Âge, il n'en fut pas de même. Les auteurs de romans et de chansons de gestes ont bien pu s'inspirer aussi parfois de la tradition orale. Mais ils avaient souvent recours en même temps à des documents écrits en langue vulgaire ou à des chroniques rédigées en une langue morte, en latin, ce qui devait encore plus refroidir leur verve. D'après un passage d'Acer que nous avons reproduit plus haut, Alfred ne cessait pas de réciter des livres saxons, Saxonicos Libros, qui reproduisaient les sagas héroïques. Charlemagne fit mettre par écrit les sagas germaniques, et Louis le Débonnaire, dans sa vieillesse, n'osait plus lire les Gentilia Carmina par scrupule religieux. Les preuves de ce fait abondent. Un grand nombre de poèmes du Moyen-Âge indiquent les sources écrites d'où l'auteur a tiré son sujet. En voici quelques exemples. Dans le Gérard de Roussillon, en provençal, on trouve « Esicum dit l'escrit que est el mostier ». L'auteur du Gérard en langue d'Oil critique le poète provençal en ces termes. « Encore dit moult choses qu'il baille por notoire, que selon le latin je ne treuve pas voir ». L'auteur du roman de Fierabras appelle les clergues, moines et prestres, en témoignage de la vérité de son récit, dont « à Saint-Denis et Franza folorole trobat ». Le roman de Roncevaux invoque plus d'une fois les autorités écrites. Il est écrit à sept saints en Bretagne, il est écrit au Saint-Denis Moutier. Orderic Vital nous dit que les moines avaient composé une relation de la vie de Guillaume Cournet, si célèbre dans les romans, et il ajoute que le récit des religieux, Relatio Authentica, est beaucoup plus exact que les chants vulgaires quand il est né. Le Valtarius Manufortis est un ancien chant germanique traduit en latin par un moine de Saint-Gall. La Klage, suite et résumé du Nibelungenlied, invoque aussi une recension latine. J'abrège ces citations qu'il serait facile de multiplier. D'ailleurs, à défaut de toutes ces preuves, une seule suffirait, le nom que prit l'épopée à cette époque. Ce nom roman signifie traduction, version en langue romane, de même que les écoliers disent le français de Cicéron ou de Virgile. Cette étymologie est certaine. En espagnol, dès le XIVe siècle, romanzar signifie traduire, comme le prouve le titre suivant, qui date de 1389. El libro de Caliba, que fue sacado de Arabigo, en latín romanzado, por mandado del infante Alfonso. En provençal, le mot est pris dans le même sens. Il marque le moment où la tradition héroïque sort des couvents dans lesquels elle s'était conservée en langue latine, comme le mot légende indique l'instant où la tradition est entrée dans le cloître, où elle a cessé d'être transmise oralement et où elle a dû être lue, legenda. Voici donc un fait incontestable et unique dans l'histoire de l'épopée. La tradition héroïque entre dans les monastères sous forme de chants populaires. Elle s'y fixe sous forme de prose latine ou de vers latins. Elle en sort sous forme de romans en langue vulgaire. Il n'est pas difficile d'expliquer comment cette phase s'est accomplie. Dès le 8e et le 9e siècle, mais principalement aux approches de l'an 1000, une tristesse profonde s'était emparée d'un grand nombre d'hommes mêlés aux affaires du monde et les avait poussés à chercher dans les cloîtres le repos et l'espérance. Parmi ces hommes, il s'en trouva beaucoup qui, se rappelant le passé, se plurent à répéter les faits auxquels ils avaient assisté ou les chants historiques dont ils avaient conservé le souvenir. À ces récits, l'imagination de quelques moines latinistes s'éveillait. Rentré dans sa cellule, il pensait à ce qu'il venait d'entendre. Il le gravait dans sa mémoire, puis l'écrivait soit en prose, soit en vers latin. Quand ensuite il rédigeait la chronique du couvent, il y intercalait quelques fragments de ses narrations déjà à moitié mythiques, ou même des parties de ses chants héroïques qu'il avait traduits, et il composait ainsi des histoires où venaient se confondre les événements réels et les fictions de la poésie. C'est en général dans les couvents, grâce aux longs loisirs et aux heures uniformes, que sont nés ces poèmes bizarres où les souvenirs de l'Antiquité se mêlent aux croyances naïves du Moyen-Âge et où les créations d'Homère et de Virgile s'amalgament avec les idées chrétiennes. Dans ces paisibles retraites s'opéra le mélange des chants épiques de Rome et de la Grèce et des chansons populaires venues des Pyrénées et du Pays de Galles. Là se sont développés les germes bretons de la plupart des romans de la Table Ronde et du Saint Graal, comme on le voit par les récits du moine cambrien Nennius, qui, dès le IXe siècle, fait d'Arthur, cette figure mythologique des anciens bardes, un fils soumis de l'Église et de la Vierge. Là sont nés l'Alexandre chevalier, l'Alexandre chrétien, le voyage de Charlemagne à Jérusalem, le Brut d'Angleterre, le faux Gildas, Merlin et ses prophéties, et cette étrange histoire de Raymond de Bousquet, roman provençal dont Fauriel a retrouvé le sujet et qui n'est autre chose que l'histoire d'Ulysse, mais d'un Ulysse chrétien qui fait la guerre aux Berbères et qui contribue à la victoire de Djebal, remportée par le comte Don Sanche de Castille sur Mohamed El Mahdi en 1009. Là aussi se développent les légendes des saints guerriers, comme saint Martin et saint Georges, qui remplacèrent les héros de l'époque païenne. La poésie épique de l'Italie sort également du couvent, car c'est dans les monastères que fut composé en latin ce curieux récit qui, traduit en italien sous le nom de Reali di Francia, a fourni les sujets de tous les poèmes chevaleresques de l'Italie du XIVe-XVIe siècle. C'est donc en grande partie dans ces productions singulières de l'imagination monastique que les poètes du Moyen-Âge devaient puiser leur inspiration. La source vive de la poésie et de la tradition populaire était presque tarie pour eux. Ils n'avaient à leur service qu'une langue en voie de formation et composée d'éléments disparates non encore fondus ensemble. Ils se trouvaient d'ailleurs sous l'influence des idées chrétiennes, peu favorables aux sentiments violents de vengeance et de bravoure, d'amour et de jalousie, ressorts habituels de la vie barbare et des épopées nationales. Les hommes éminents, les génies qui auraient pu devenir de grands poètes, dédaignaient la langue et les légendes du peuple, écrivaient en latin et se vouaient tout entier à l'étude de la théologie. Toutes ces circonstances réunies expliquent suffisamment comment la matière épique répandue si abondamment dans tous les pays de l'Europe depuis la chute de l'Empire romain n'a nulle part trouvé un Homère, pas même pour chanter la catastrophe tragique des Nibelungen ou la mort sublime de Roland, deux scènes qui, considérées en elles-mêmes, surpassent comme effet dramatique toutes celles de l'Iliade. D'après ce qui précède, on peut résumer en quelques mots la marche que suit le développement de la tradition sous l'empire des lois générales qui président au progrès de l'esprit humain. Un fait se produit dans le monde réel, un grand homme ou une grande catastrophe ébranle fortement l'imagination d'un peuple, c'est le germe primitif de l'épopée. C'est le noyau historique autour duquel viennent se superposer, par couches de couleurs variées, les dépôts successifs de l'imagination populaire, suivant un mode de formation lent et graduel qui fait penser à celui des agates dans l'ordre physique. L'enthousiasme et les autres facultés poétiques propres à la jeunesse des peuples transforment peu à peu la tradition, d'après les croyances, les sentiments et l'idéal de chaque race. Le mythe historique se forme. Le grand homme réel devient le héros de l'épopée. Bientôt le merveilleux intervient. Les personnages mythologiques se mêlent à l'action. Les figures symboliques des forces de la nature ou des attributs divins, ayant pris des formes humaines, entrent dans la tradition. Sous l'influence d'une conception morale, celle-ci tend à constituer un ensemble qui, distribué en épisodes, présente une trame suivie et offre un intérêt soutenu. La saga reste à l'état fluide, pour ainsi dire. Elle se développe, elle se transforme d'après les croyances des générations. Semblable à un fleuve qui reçoit dans son cours 100 affluents différents de teintes et de compositions, elle réunit en un tout des légendes divines et humaines, historiques et fabuleuses, parties des quatre points de l'horizon et émanées de 20 tribus différentes, tantôt absorbant une tradition nouvelle, tantôt rejetant une tradition ancienne, tour à tour admettant les personnages récents et en oubliant d'autres plus anciens dont le souvenir commence à baisser. Des transformations analogues ont lieu dans les compositions poétiques, transmises oralement de génération en génération et sans cesse remaniées. Les premiers chants historiques, très brefs et destinés à être répétés pendant les combats et les fêtes, s'étendent, se confondent et forment un cycle en se groupant autour d'un nom ou d'un fait dominant. Après avoir traversé toutes ces phases successives, la matière épique arrive enfin à terme. Surviennent les ordonnateurs, les poètes, et l'épopée naît plus ou moins parfaite, suivant que les circonstances sont plus ou moins favorables au développement harmonieux des éléments de la fiction héroïque, à l'inspiration de l'auteur et à l'application des règles du goût et du beau littéraire. Monsieur Adolphe Pictet, à propos des poèmes homériques, résume parfaitement le mode de formation de ces épopées. Dès qu'il se produit dans la vie nationale quelque grand et glorieux événement, les chanteurs sont à l'œuvre pour le célébrer en détail d'abord et en le suivant dans ses péripéties successives. Il se forme ainsi une première collection de chants épiques improvisés et retenus facilement à cause de leur peu d'étendue. Ces chants sont simples, naïfs, vrais avant tout, et l'art s'y montre à peine. Quelques-uns, cependant, se distinguent des autres, soit par un mérite supérieur, soit par l'intérêt plus vif de leur sujet. Ceux-là se transmettent et se conservent, les autres tombent bientôt dans l'oubli. Un second travail commence alors, un travail d'extension et de perfectionnement. Sans perdre leur caractère primitif de vérité naïve, les récits s'allongent, les motifs se développent, les descriptions se déplacent. La poésie se revêt d'images et l'art commence à se montrer dans l'agencement de l'action. On voit naître et se former ainsi un cycle de petits poèmes narratifs reliés entre eux par l'unité, tous animés par une même inspiration, l'inspiration commune de la muse nationale, tous revêtus des mêmes formes, formes nées spontanément avec la poésie elle-même, perfectionnés, assouplis et devenus typiques par un constant usage. Tout est prêt alors pour la naissance de l'épopée proprement dite, et si quelque génie plus puissant, nourri de cette forte substance de la poésie nationale, saisit l'idée de réunir les matériaux tout préparés pour la construction de l'édifice, celui-ci ne tarde pas à s'élever dans sa majestueuse grandeur. Bibliothèque universelle de Genève, tome 30, année 1855. Après avoir indiqué les sources et le mode de formation de l'épopée en général, il nous reste maintenant à examiner jusqu'à quel point cette théorie est confirmée par l'étude des origines du Nibelungenlied.